C'est par fidélité au principe que tous les hommes sont égaux devant la loi, je vote la mort. Et n'espère pas qu'il te désaltère.